Baby, j'suis pas qu'un numéro. Non bébé, j'suis pas qu'un numéro. Baby, ton mec il est zéro. Ma bébé, ton mec il est zéro. C'est les flingueurs, donc mets ton numéro. Là c'est fort.